Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mathieu Léonard, qui était déjà venu dans ce local, donc ça veut dire qu'il y a au moins 10 ans qu'on est ici, c'était, j'ai regardé les archives, 6 avril 2013. Et tu nous as présenté donc ce bouquin qui s'appelle « L'émancipation des travailleurs, une histoire de la Première Internationale ». Votre tes centres d'intérêt, Première Internationale, la Commune. Et aujourd'hui, ça sera pour nous parler de l'ivresse des communards. Le premier bouquin était paru à La Fabrique. Là, c'est un éditeur canadien, mais qui est diffusé en France, qui s'appelle Luxe. Mathieu, je ne sais pas si tu l'es toujours, mais tu as écrit dans CQFD. Je suis moi. De temps en temps, tu écris un article. Et puis quoi dire d'autre, parce qu'il y a une formation d'historien quand même, c'est peut-être ça qui t'a poussé à écrire des livres d'histoire. Mais tu n'es pas du tout prof d'histoire, tu es vigneron. Donc pour nous parler de l'alcool et tout ça, de l'alcool, du vin, on va déjà dire, c'est en plein dedans, quoi. Et bon, on parlera du vin après, à la fin, on pourra déguster. Il est vigneron du côté de Rasto, Ségurès, c'est dans le Vaucluse, donc les dentelles de Montmirail, c'est très joli. Il y a des bons vins, il y en a des moins bons, il y a de tout. Et on verra le tien, je pense qu'il est très bon. La cuvée s'appelle Potlatch, qui est un nom assez joli, parce que ça fait penser à ce système de troc que pratiquaient les Indiens, et puis c'est aussi le nom d'une revue, je crois. Les tristes. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout dit ce que j'avais à dire ouais. Donc, à toi la parole. Bah, super. Bah, merci de m'accueillir à nouveau. Tous les 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Ouais. J'avais réussi à endormir 2-3 personnes. J'espère faire mieux cette fois-ci. J'ai écrit ce livre dans l'année qui a commémoré, en réalité, les 150 ans de la Commune, de 2021. Le livre est apparu en 2022 et il y a eu une très riche bibliographie, l'historiographie de la Commune est foisonnante. Hein. Il y a des choses de plus en plus sur l'histoire d'en bas, sur les, par exemple récemment, il y a des choses sur les lettres jamais distribuées, les proscrits en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, tout un courrier qui avait disparu dans les arcanes de l'administration. Et qui a été retrouvé, donc ça donne lieu à une histoire finalement invisible, quoi, ce qui n'a pas eu lieu. Etc. Donc tout ça pour dire que, évidemment, l'histoire de la Commune aujourd'hui, elle a été remise sur ses rails, avec notamment une histoire militante hein, qui a traversé le siècle et qui a donné à la Commune, qui a été, comme on le sait, réprimé dans le sang et qui est une espèce de non-dit hein, de la République française aussi, hein, de la Troisième République. La Troisième République naît un peu dans le sang de la Commune finalement, mais bon, il y a dans l'effort de mémoire et dans l'effort de l'histoire militante, il y a évidemment des choses qui remettent l'histoire, l'événement à sa juste place, à sa juste mesure. Peut-être même en la dégageant un peu d'une histoire militante qui l'étouffait un peu pour revenir à une histoire beaucoup plus, comme je disais, par en bas, quoi, sur les réalités de ce que vivaient les communards, la population parisienne, qui ne s'appelait pas communards eux-mêmes à l'époque, hein, c'est un mot qui est venu plus tard. La réaction les appelait les communeux et les communeuses, et le mot communard, c'est finalement. Il y a toute une histoire à faire sur l'usage des mots et la récupération des mots comme stigmate inversé, etc. Alors pourquoi s'intéresser au rapport de l'alcool sous la Commune, supposément, et surtout la construction du mythe d'une commune grise, d'un bateau ivre, comme je dis, est-ce que la Commune a été un bateau ivre? C'est en tout cas un son de cloche, une musique qui s'est développée au cœur même de l'événement par la presse, par le camp versaillais, et aussi donc dans un registre assez classique en fait de disqualification finalement dès que les gens prennent la rue, dès que le peuple ou le prolétariat si on préfère investit l'espace public et l'espace politique, évidemment les classes dominantes trouveront tous les prétextes pour les disqualifier et disqualifier leur présence au sein même de l'espace social et politique. Donc, tout le registre comme ça de disqualification, d'injure, c'est ce que Marx, dans la guerre civile en France, appelle ce cœur de calomnie que le parti de l'ordre ne manque jamais dans ses orgies de sang d'entonner contre ses victimes. Alors, les communards, sont décriés comme des repris de justice, des piliers de cabaret, des souteneurs, des déclassés, et enfin, toute la vermine des faubourgs, ça c'est le général Montaudon, des barbares, une franc-maçonnerie cosmopolite du crime, en un mot, c'est la canaille, donc c'est un registre aussi qui est celui pour désigner les classes dangereuses et les classes vicieuses. Hein. Canaille, c'est intéressant, c'est un mot occitan, hein. C'est le chien, hein. c'est canidé, quoi. Donc il y a donc ça renvoie à tout ce mépris social hein, qu'on voit aussi des élites par rapport à des villes comme Marseille par exemple. Je pense directement à du travail sur Bruno ici sur la ville sans nom, sur la façon dont à un moment le pouvoir central, la bourgeoisie, les savants disqualifient comme ça des populations en les stigmatisant, etc. Donc, en gros, le scénario un peu qu'a voulu faire circuler la presse versaillaise et les Versailles, c'est celui d'une foule abrutie, d'une population parisienne abrutie notamment par l'alcool, ivre de sang et de vin. C'est déjà un refrain qu'on entend sous la Révolution française. Commandés par des fanatiques, des fous démagogiques, des déclassés avides de revanche sociale, des semi-lettrés qui n'ont pas réussi à se faire une place dans la société, médiocres pigistes de journal, je me sens visé immédiatement, avocats sans cause, bref, ça c'est dans le rapport parlementaire même de Versailles. Donc, on est vraiment dans le registre de la condamnation morale réactionnaire classique, et on peut se dire que l'accusation d'ivrognerie, etc., n'est qu'un registre de plus dans cette topologie. Hein. Alors, sans doute, vous connaissez le livre de Politsky, Les écrivains contre la commune, qui dresse un peu toutes ces classifications-là. C'est des écrivains en vue de l'époque. Hein. C'est Flaubert, c'est Zola, même si Zola n'est que journaliste. C'est d'autres primitifs comme Maxime Ducamp ou Edmond Goncourt, etc. Mais bon, il y a Georges Sand aussi, Théophile Gautier. Tout le monde dit, même Hugo n'est pas tellement favorable à la commune, même s'il ne les agonise pas d'injures. En tout cas, il y a toute l'élite, finalement, des lettres hein, de l'époque, qui, sauf bien sûr ceux qui participent même à la commune, comme un écrivain comme Jacques Vallès, hein, qu'on trouvera. Et donc, qui participent comme ça à ce concert d'injures. Mais l'ivrognerie, au-delà de l'anecdote, ça a été un discours qui a été porté par une autre catégorie de la population et de l'élite médicale. Et ça, c'est un sujet qui a été moins abordé, puisqu'on trouve dans la littérature médicale de l'époque toute une dimension scientifique, pseudo-scientifique, qui s'ajoute, qui habille en fait les calomnies versaillaises d'un discours savant, finalement. Et c'est l'Académie de médecine, c'est dans les revues de l'Académie de médecine, etc., qu'on voit toute une disqualification, comme ça, une psychiatrisation et une pathologisation des communards, notamment par ce biais que la commune n'aurait pas eu lieu si la population ouvrière parisienne n'avait pas été abrutie d'alcool, ne s'était pas laissée aller à des bivouacs sans fin pendant le siège, et finalement n'avait pas été séduite par ces fous démagogiques, justement, dont on parlait, qui les a entraînés, comme ça, dans une insurrection, une folie criminelle, comme on disait. Donc il y a vraiment tout un discours, réellement, de pathologisation qui marque, réellement, au-delà du discours réactionnaire, la place, en fait, que prennent aussi les médecins, les savants, dans la société du 19e siècle. Et donc ça a été étudié, par exemple, il faut la citer, en amont de mes travaux, par une historienne disparue maintenant américaine qui s'appelle Susanna Burroughs, dans des articles qui n'ont pas tellement circulé dans l'historiographie française, mais qui avaient déjà pointé réellement cette question de l'élite médicale et de la disqualification de la commune. Donc, ça m'a amené, en partant du discours ordurier, ça m'a amené à m'intéresser aussi à la place, finalement, que prend le discours, la science médicale sur la société à l'époque, et notamment à travers l'homme de science, le savant, remplace peu à peu l'homme de foi dans le dispositif finalement aussi de contrôle, ou en tout cas le dispositif de domination sociale. Et évidemment, parce que ça accompagne toutes les révolutions industrielles, scientifiques, médicales de l'époque, la place du médecin devient de plus en plus prépondérante. Il se mêle des affaires législatives, il devient homme politique souvent. Pendant toute la Troisième République, on voit très bien que le Parlement, de la Commune jusqu'au début du XXe siècle, est constitué en gros de 20% de gens qui sont issus des professions médicales. Donc, sociologiquement, c'est un indice. Et puis surtout, il y a un discours qui accompagne tout ça, qui est celui de l'hygiénisme. L'hygiénisme en tant que réellement discours idéologique, finalement, qui est habillé d'une structure de classe, on ne peut pas dire les choses autrement. Et l'hygiénisme est destiné à s'intéresser à tous les domaines de la société, l'urbanisme, l'école, l'armée en premier lieu d'ailleurs, c'est pas un hasard, et donc à décliner comme ça des propositions pour devenir une science du gouvernement, voire un gouvernement par la science, pour amener la société à se réformer, à mettre en place des dispositifs sanitaires et sociaux au service évidemment de l'idéologie dominante, du capitalisme libéral, de la révolution industrielle, y compris pour donner des ouvriers en meilleure santé, etc., mais avec un but moral qui prédomine, qui est celui de... C'est vraiment une mission moralisatrice, civilisatrice. C'est une croisade, en gros, pour discipliner les corps et moraliser les âmes. Et le combat contre l'alcoolisme ou l'alcool, l'alcoolisation de la société, est un peu la tête de pont, en fait, de toute cette dynamique hygiéniste. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que avec, évidemment, ce biopouvoir, comme vous pourrez parler comme Michel Foucault, n'est pas si effectif que ça, parce qu'il y a beaucoup de résistance dans la société, y compris des résistances évidemment économiques, puisque la place du vin, on le sait dans la société française, le lobby du vin, le lobby des alcooliers est de plus en plus... accompagne la société de la révolution industrielle, et donc il y a un intérêt majeur pour l'économie française. Donc, ça relativise aussi l'idée qu'un discours peut prédominer toutes les mises en place de dispositifs hygiénistes, parce que la réalité sociale et économique a des formes de résistance par rapport aux principes qui sont établis par le savant au préalable. Bref, ça c'était pour présenter un peu le propos général. Alors, comme on est dans un centre de recherche international sur l'anarchisme, je pars de la Commune de Paris, mais je m'intéresse dans les derniers chapitres à la pénétration du discours hygiéniste dans les milieux ouvriers, dans les milieux libertaires, et je pense, peut-être d'autres avant moi, mais trouver une filiation, en réalité, par le biais notamment de certains éminents savants qui vont avoir une réelle influence, qui sont des savants bourgeois, on peut le dire, mais qui sont des progressistes et qui vont, en partir du discours contre l'alcool, influencer d'une certaine manière la sensibilisation à la question de l'alcoolisme, assez féroce, on le verra, dans certains milieux libertaires, notamment, principalement, les milieux individualistes. Donc, on verra. Je ferai un petit panorama, mais je pense que c'est intéressant, dans un lieu comme ici, d'amener cette question-là, de voir comment les discours et les idées hygiénistes, en fait, se sont finalement muées, et on pénétrait aussi des milieux très réfractaires finalement à toute forme de domination. Alors, je vais encore densifier un peu plus pour dire que ma démarche, elle n'est pas strictement dans une histoire politique qui opposerait la gauche, la droite, le progrès, la réaction, le capital, le travail, etc. Mais aussi sur une histoire politique intéressante, mais finalement un peu figée dans le domaine des idées, dans le ciel des idées, pour m'intéresser ainsi au ressort du biologique, de l'emprise de la notion de dégénérescence, qui est fondamentale au XIXe siècle. Elle a été abandonnée à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais elle a vraiment irrigué en fait les mentalités et l'imaginaire finalement de la société du XIXe siècle, de la société positiviste, de l'idée qu'il fallait combattre la dégénérescence avec des tendances racialistes, des tendances funestes, comme on le verra, avec l'eugénisme, etc. Donc, c'est ces histoires-là, cette tentation de l'eugénisme aussi. Et en réalité, au cœur de l'alcool, cette histoire de l'alcool, c'est l'angoisse, finalement, la panique morale, comme on dirait, suscitée par les contemporains par rapport aux fléaux sociaux. Alors, c'est aussi parce que, justement, toute la mentalité de l'époque est imprégnée par l'idée de contagion. Il y a évidemment des virus à l'époque, hein, il y a des épidémies, des tuberculoses, la syphilis, la variole, et j'en passe. Donc, il y a des choléras par moment. Donc, il y a réellement une panique aussi sanitaire, hein, qui prend la société à plusieurs reprises. Et puis, il y a aussi les milieux ouvriers qui subissent de plein fouet la tuberculose, par exemple, mais c'est lié aussi aux conditions d'existence, à l'habitat, au manque d'aération, aux miasmes qui circulent dans les milieux ouvriers, enfin dans l'habitat ouvrier. Mais l'alcool, il va servir comme ça de clé d'explication à tout, ça je l'ai déjà dit. Mais alors, pour terminer avec cette histoire de contagion, c'est marrant de faire, c'est intéressant de voir le parallèle entre ces contagions physiques, biologiques, médicales, et l'idée de la bourgeoisie qu'il y a aussi des contagions morales, des contagions politiques. Et Thiers, peu avant sa mort, dit les épidémies morales, pour lui, la communion des thunes, comme les autres, n'ont qu'un temps. Et il pense ainsi avoir mis fin à régler son compte définitivement au socialisme, par exemple. Donc, en réprimant, il a mis fin à une épidémie morale. Et après, les autres, d'autres épidémies morales vont se manifester, dont l'anarchisme, le féminisme, les déviances sexuelles, la toxicomanie, etc. Tout ça va être dans ce registre aussi d'épidémie morale. Donc, un registre qui... une vision du monde, finalement, de l'ensemble, voilà. Maintenant, je vais arrêter le blabla, je vais m'appuyer, enfin, je vais continuer à parler, mais on peut discuter aussi en suivant un fil un peu chronologique des images et des représentations, parce que c'est une époque qui est très riche en iconographie, donc on peut aussi dérouler comme ça cette histoire à travers le biais d'images, de gravures, d'affiches, de dessins de presse, etc. Alors, au début... voilà, la situation de la commune ne peut exister sans comprendre, enfin, on peut comprendre la commune que si on comprend la guerre qui a précédé, en fait, une guerre dynastique, enfin, au vague prétexte dynastique, obscur prétexte dynastique voulu par Napoléon III, et finalement qui perd assez rapidement, la République revient, il y a une levée en masse. Et cette levée en masse donne lieu à la mobilisation des gardes nationales. Alors, la garde nationale, c'est une armée des réguliers, c'est une armée citoyenne, donc ce ne sont pas des soldats de métier. Cette garde nationale est sensibilisée, alors que l'armée est défaite, hein, l'armée officielle, l'armée nationale est défaite, cette garde nationale voit l'arrivée des Allemands, des Prussiens aux alentours de Paris, donc dans un réflexe vital, finalement, et... soutenu par le gouvernement de défense nationale, donc des généraux pas tous républicains, se met en dispositif finalement pour défendre la capitale. Donc ça donne lieu à ces bataillons de la garde nationale qui subissent durant l'hiver 70-71 un des hivers les plus rigoureux du siècle, finalement, où les vivres viennent à manquer, etc., et où effectivement on trouve plus facilement du vin, hein, que du lait ou du pain. Donc très vite, il y a une représentation de cette armée, de ces gardes nationaux finalement qui attendent, qui ne sont pas tous des Parisiens, mais beaucoup, qui l'économie est à l'arrêt, donc le seul moyen de subsistance pour ces ouvriers parisiens, c'est la solde des 30 sous, 1 franc 50 par jour, qui leur permet... ils ne peuvent pas s'acheter des cubis par milliers, mais ils peuvent s'acheter une cervelle de chien, une salade, de quoi subvenir, et puis subvenir à leur famille, c'est le seul moyen, etc. Sauf que dans le même temps, je fais très vite, le gouvernement Versailles négocie la capitulation avec la Prusse, qui devient l'Allemagne, le butin de guerre réclamé par la Prusse est faramineux, c'est 4 ou 5 milliards de francs or. Et donc il faut bien puiser quelque part dans les réserves de la société, trouver de l'argent. Alors évidemment Thiers, qui est propagandiste, intellectuel organique de la propriété privée et de la classe possédante ne va pas lever un impôt sur revenu aux plus riches. Hein. Ça, c'est plutôt évident. Mais par contre, il pense déjà à dissoudre ces gardes nationaux pour récupérer les soldes. Hein. C'est quand même... Il y a 200 à 300 000 gardes nationaux à Paris. Donc, ça fait une manne. Ça fait, pour le trésor public, ça fait une manne à récupérer, finalement. Et donc, le phénomène d'insatisfaction... et le phénomène de ressentiment, de révolte qui va parcourir les gardes nationaux, c'est de se dire on est en train de nous, le Versailles est en train de capituler, on est en train de nous sacrifier finalement, on nous demande aussi de régler les arriérés de loyer, etc. Donc il y a une dimension sociale avérée, etc. Donc il faut en même temps, dans la propagande, commencer à disqualifier ces gardes nationaux. Donc on voit par exemple cette représentation de trois lascars qui trinque avec le sous-titre « Les canons, encore des canons, toujours des canons ». On sait que les canons sont un enjeu majeur pour la défense de Paris à ce moment-là, c'est avec le moment déclencheur de l'insurrection du 18 mars. Et donc il y a le jeu de mots autour des canons à boire et des canons pour la défense. On voit que ces gens-là ne sont pas très lettrés parce qu'il y a marqué « Abba Bismarck » avec une mauvaise orthographe. Ils ont l'air un peu dépenaillés, ils ne sont plus de première jeunesse, etc. Donc, il y a cette image qui véhicule pour dire que ce sont les escargots des remparts, ils ne servent à rien, en gros. Donc il faut peu à peu dire qu'à un moment, il faut que tout ça finisse et cesse. Donc ça commence, à mon avis, la représentation, la construction du mythe de l'alcoolisme des gardes nationaux, elle commence à ce moment-là, un peu avant la commune. Il y a un des éléments féminins, évidemment, dans la garde nationale, ce sont les vivandières. Les vivandières sont souvent des sœurs, des épouses, des filles de soldats irréguliers qui, depuis l'Ancien Régime, hein, c'est pas nouveau, accompagnent les troupes et elles sont représentées comme ça, avec un petit tonnelet d'eau de vie. Et donc cette image de ces citoyennes qui réconfortent le moral des soldats, qui leur donnent un petit coup pour l'assaut, etc., va servir aussi à développer aussi une image de débauche, de débauchage de ces soldats irréguliers. Je vais assez vite, hein, parce que c'est des représentations, donc on y met ce qu'on veut. Il y a un autre volet qui va servir à la propagande marseillaise, c'est celle du complot, le complotisme d'État, on pourrait dire. Donc Versailles dit oui, c'est dans les cabarets en fait que se mène la propagande subversive. Et donc il y a dans le journal qui s'appelle Le Voleur, qui est un journal de l'ordre aussi, il y a cette représentation, la propagande pour la commune dans les cabarets, où on voit des personnages assez typiques, assez stéréotypés. Celui de gauche, il ressemble à un brigand italien des montagnes. Hein, il passe pas inaperçu, à mon avis, avec son chapeau. C'est la montagnard. L'ouvrier en blouse de dos avec la casquette. Et à droite, un élément subversif avec un habillé en bourgeois. Qui est-il? Un socialiste? On peut tout imaginer à l'époque. Un franc-maçon, je sais pas. Donc voilà, ça c'est le genre de représentation aussi qui alimente l'imaginaire du complot d'État. Et d'ailleurs... complot d'État que j'évoque aussi par rapport à la Première Internationale, puisque Versailles va accuser l'Association Internationale des Travailleurs d'être la machine de l'insurrection, finalement, ce qui n'est pas le cas. Une représentation là qui un peu fait qui habille pour l'hiver le communard ou la représentation du communard, c'est qu'on voit que il cumule en fait tous les éléments de la hantise révolutionnaire. Il a le bonnet phrygien de 1792, il a la barbe blanche, donc il a sûrement participé aux insurrections de juin 48, il a la blouse du travailleur et il titube. Alors il y a marqué la grande ribote, non, la grande colère et la grande ribote du père Duchesne, en référence évidemment au journal Le Père Duchesne qui avait été fondé par Hébert sous la Révolution française, et c'est un titre qui va être repris dans toute la Révolution, et notamment sous la Commune, c'est un journal en fait qui reproduit un peu le parler, la langue fleurie des milieux, des couches populaires. Donc voilà, ce genre de représentation montre personnification de l'ennemi, on le ridiculise plus, parce qu'au départ, on se dit, c'est pas franchement sérieux, cette commune. Là, on est en quelle année? Je pense que c'est des gravures qui ont été faites après, c'est des cahiers qui ont été faits après la commune ou sur le vif, mais c'est... Là, c'est pendant les événements, mais ça vient de la presse britannique. Alors, où on voit les enfants des rues monter à l'assaut de faire preuve d'un blasphème ignoble. Là aussi, c'est un des éléments de la disqualification de la commune, c'est de dire que ça a été une révolution blasphématrice. Et alors c'est intéressant aussi, bon, la légende, on la voit pas, elle est un peu cachée, mais c'est les Anglais utilisent le terme communiste dans une église, habillant une statue de la Vierge en costume de vivandière. Donc on voit un peu, ça se rappelle à chaque fois l'élément de la vivandière, donc avec le soulard qui se sert de gros gorgeons sur l'autel, et puis les enfants habillés en... Donc là, ça c'est un des éléments, la commune s'attaque à un des piliers de l'ordre social, la religion. Autre dans un style un peu plus sophistiqué, hein, un peintre qui s'appelle Paul-Félix Guéry. Il n'est pas là, Christophe, il m'a beaucoup conseillé sur ce... Christophe Ducirac, un historien de l'art, sur cette peinture, hein. Donc c'est dans un style néoclassique. Il montre une autre forme de blasphème. Là, c'est l'atteinte à l'institution du mariage, d'une part, et puis de l'hôtel de ville de l'institution communale, où on voit aussi des éléments de vice et de débauche. Le gamin qui joue avec le pistolet. Là, on a une vivandière à nouveau avec son petit tonnelet. On fume. On brandit un drapeau rouge, on brandit des fusils, il y a jusqu'aux hautes formes du marié qui est négligemment, roule négligemment par terre. Donc voilà, ça, évidemment, ce genre de tableau s'adresse à une clientèle qui a les moyens de les acheter. Donc là, voilà, on est en plein dans une forme de représentation étrangère. Encore plus, dans un registre un peu plus troupier, c'est... encore l'image d'une révolution pas sérieuse, quoi, finalement. Puisque c'est à l'hôtel de ville, siège l'état-major de la garde nationale, qui déchire l'état civil, qui déchire les registres de propriété, qui proclame le divorce, donc encore atteint à la famille, hein, au pilier de l'ordre social, la famille, la propriété, la religion, etc. Donc, là, on a tous ces registres en un, plus l'alcool, l'orgie... Et la débauche. Alors la légende est amusante, c'est voilà comment nous comprenons les affaires de la patrie, nous. À bas les riches, ce sont des soiffeurs, des assoiffeurs, que tout le monde s'amuse et vive la liberté. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est une façon de ridiculiser finalement la commune. Alors, ce qui est intéressant, alors pour revenir, pour passer de la représentation à la réalité historique, c'est que il y a eu effectivement des témoignages, par exemple pendant les procès, notamment d'un général qui avait été pressenti pour devenir un chef de l'état-major de la commune, qui s'appelle le général Crémer, Camille Crémer, qui a témoigné à charge comme ça en disant « Moi, ce que j'ai vu à l'hôtel de ville de la commune de Paris, c'est une orgie permanente, voilà, on glissait sur les cadavres de bouteilles, etc. » Au point même que le juge lui a dit « Mais bon, vous êtes sérieux ?» Enfin, c'était tout le temps comme ça. Il dit oui. Et donc lui, en fait, ce général essaie de se racheter une conduite, hein, essaie de se faire pardonner, notamment le fait qu'il a été proche, finalement, des bataillons de la guerre nationale, etc. Donc en chargeant à bloc la commune, donc ça va avoir un effet aussi, hein, sur l'imaginaire. Alors qu'on sait, évidemment, tous les procès-verbaux, le journal officiel de la commune, la question de l'alcool ou de l'alcoolisation... elle est très secondaire, finalement. Les problèmes sont beaucoup plus urgents que le fait d'avoir à régler ou d'avoir à faire la fête permanente. Enfin, cette idée d'une fête permanente, elle brouille la réalité historique. Hein. Et même, on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire que par moment, la commune, c'est-à-dire les assemblées communales, ou en tout cas par arrondissement, certaines mairies d'arrondissement prennent des arrêtés pour interdire l'ivresse sur la voie publique, parce qu'elle elle a, elle connaît aussi des disordres, des désordres, comme dans toute capitale finalement, ou comme dans tout moment insurrectionnel ou moment de militaire, hein, d'une campagne militaire, il y a évidemment à un moment des lâcher-prise et des formes de délivresse collective, etc., qui peuvent créer des désordres. Donc il y a eu une volonté un peu de moraliser aussi au sein de la commune ces excès, hein, sans que ça devienne quelque chose de coercitif. Mais bon, c'est assez marrant de voir qu'il y a eu au moins 4 décrets comme ça d'interdiction de l'ivresse sur la voie publique pendant la commune. Alors il y a un autre exemple, il y a cet individu qui s'appelle un peu louche, hein, vous voyez à son regard, qui s'appelle Étienne Boudin, qui est capitaine d'un bataillon de la garde nationale du Palais des Tuileries, et qui va inspecter, la maison des têtes couronnées, hein, et en inspectant les caves des Palais des Tuileries, il va découvrir une maçonnerie un peu fraîche, donc il se dit, bon, il y a quelque chose derrière, il fait tomber le mur, et là, il tombe sur le cellier de l'empereur. Donc 40 000 bouteilles, des grands crus, des fines, des imaginer, et donc il décide de sa propre initiative de commencer à distribuer des bouteilles au bataillon, hein, pour un peu leur apporter du bon pinard, un peu de réconfort, etc. Il est même incité à... Et donc les caves commencent à être vidées, sauf que un autre officier du même bataillon s'oppose à ce pillage, et il dit, on n'est pas des voleurs, la main sur le sabre, on n'est pas des voleurs. Voilà. Donc il y a c'est intéressant cette anecdote, parce que dans tout mouvement insurrectionnel, révolution sociale, il y a évidemment la volonté de prise sur le tas, quoi, finalement, de récupération, d'expropriation, et puis de dire, voilà, notre tour de profiter, finalement, après une vie de privation, un autre tour d'avoir accès aux belles choses. Et en même temps, il y a ce profil aussi d'un ordre révolutionnaire qui veut finalement rester très légitime et très, très, très légaliste. Donc cette anecdote, elle renvoie un peu à ces deux moments, ces deux facettes d'un événement, etc. Moralité de l'histoire, le palais des Tuileries finira sous les flammes, et sans doute plusieurs dizaines de milliers de bouteilles de... C'est lui, c'est Kramer ou non, lui, c'est Étienne Boudin. Ah, d'accord, tu as dit au début que c'était Kramer. Kramer, c'était avant. Non, lui, il sera jugé et fusillé, je pense. Alors, toujours dans le chapitre de la représentation, là, on a un accès à une représentation encore plus moderne pour l'époque, finalement, puisque c'est l'usage de la photographie. Il y a ce photographe, ce sont deux frères, en fait, les frères Appert, qui se mettent au service de la justice militaire pour photographier une à une et un à un tous les communards et les communards emprisonnés, arrêtés, emprisonnés, etc. Donc il fera des portraits et il fera des photomontages. Ça, c'est un photomontage, c'est pas une scène réelle, c'est-à-dire il a bidouillé, il a trafiqué, il a fait des collages. Et donc c'est la prison de Versailles. Louise Michel, elle doit être par là. Et donc on voit j'ai fait un focus. Hein, il est au-dessus de toi. Regarde. Ah bah, voilà. C'est en trois dimensions. C'est trop fort. Elle a bougé. Et donc il y a un focus sur ces femmes, celles qu'on appellera pétroleuses par la suite, etc., qui prisonnières, mais qui ne perdent pas non plus une occasion de lever le coude, finalement, avec des accessoires qui ont été inventés. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce registre photographique des communards, ça va être tout de suite exploité par la préfecture de police, puisque le premier service d'anthropométrie photographique, deux années après, va s'instaurer dans la police. Alors, auparavant, il n'y avait pas de... Sauf pour les courtisanes, je crois, sous le Second Empire, ils avaient des beaux cahiers avec les photos des courtisanes qui étaient enregistrées, courtisanes et prostituées comme des cocottes, et donc ils avaient un registre policier finalement sur ces, mais par la suite ça va être généralisé finalement, et c'est le premier finalement, la commune va servir finalement à la modernisation du fichage policier. Donc voilà, pour terminer un peu avec les représentations de la commune, un caricaturiste très en vogue de l'époque qui, voilà, encore une fois, cumule tous les clichés sur la commune, sur le garde national juché sur une bouteille d'eau de vie avec sa pipe, sa barbe blanche, les pétroleuses avec des ailes de furie de l'Antiquité, l'agent subversif... Et puis le crime qui poignarde une allégorie de la nation. Ce qui est intéressant, c'est récemment, après la publication de mon bouquin, il y a Bourgeon, je pense que vous connaissez, ouais. Les Passagers du Vent, qui sa dernière BD qui s'appelle Le sang des cerises, évoque l'ivresse des communards. Alors la qualité était moche, mais voilà, il y a une réhabilitation comme ça des communards, des communards par rapport à la légende. Donc les brancardiers fusillés avec leurs blessés étaient tous sauf des pochardes, les enfants, donc il y a toute une plaidoirie pour dire voilà, on nous a accusé de ça, d'être des ivrognes, des escargots des remparts, mais voilà, il faut redonner dignité à ça. Donc ça, c'est un clin d'œil sur cette idée, finalement, d'ivresse et de l'accusation d'ivresse, qui avait un peu disparu, finalement, aussi de l'historiographie. Hein. On la trouve un peu chez Tomps, on la trouve un peu dans le bouquin d'Azema et Vinoc, où ils disent qu'effectivement, quand les communards étaient fusillés, on leur mettait des pancartes avec marqué « ivrogne », etc. Mais la dimension, en réalité, d'accablement, d'alcoolisme avait un peu disparu, quoi, comme quelque chose qui finalement n'avait pas tellement d'importance, quoi, au regard du reste. Pourtant, donc, on parlait des médecins, des psychiatres de l'époque écrivent savamment sur l'insurrection, comme Jean-Vincent Laborde, qui écrit en 72 Les hommes et les actes de l'insurrection de Paris. Et donc, on assiste à une lecture psychiatrique de l'événement, hein, qui reprend finalement des classifications des aliénistes de 1848. Déjà, en 1848, le docteur Morel, Moreau Détour, Brière de Boismont, qualifiaient tout le personnel émeutier comme des gens aliénés, quoi, finalement. Il parlait de la maladie démocratique à l'époque. Il disait même c'est la peste démocratique, Morbus Democraticus. Donc il y avait une grille de lecture psychiatrique et donc très politique finalement, très, très bourgeoise, en utilisant le vocabulaire de la psychiatrie et de la psychologie de l'époque. Donc c'est ce que fait Laborde, le docteur Laborde, qui deviendra aussi un des spécialistes de l'absinthe, un des principaux finalement croisés contre l'absinthe, hein, en France, et qui dresse, sans les avoir consultés évidemment, qui dresse les catégories mentales, de folie mentale des diverses protagonistes de la commune, surtout les blanquistes, puisqu'ils sont réputés les plus violents. Et donc il y accorde aussi une grande place à l'alcool dans le déclenchement de cette folie collective, entre guillemets, évidemment. Mais en expliquant aussi les choses par une hérédité morbide. Alors c'est là où je reviens à cette idée de dégénérescence, c'est que tout s'explique finalement, tous les malheurs, tous les maux, tous les tares, les dégénérescences, s'expliquent par le fait qu'on les hérite à travers les générations et qu'on les transmet. Donc il y a une espèce de fourre-tout, comme ça, dans la classification des maladies mentales et des déformations physiques, en disant tout ça, c'est le produit d'une dégénérescence. Et donc, ils vont jusqu'à dire que si les communards se livrent à la boisson, etc., c'est qu'ils sont eux-mêmes le produit d'une dégénérescence. Donc, il y a vraiment une volonté, là, de dire, bon, cette population-là, il y a une population indésirable, et il y a l'idée, derrière, de dire que, finalement, il faut faire quelque chose en amont pour endiguer, juguler la dégénérescence de l'espèce, de la race, on dit à l'époque, sans guillemets, hein, c'est-à-dire de l'ensemble de la société humaine, et puis particulièrement de la race française, pour dire, voilà, si on veut la sauver, puisqu'on a quand même perdu une guerre, on a quand même vécu une guerre civile, Si on veut redonner un peu voilà, une dégénération forte, il faut lutter contre toutes les formes de dégénérescence. Donc ce discours de la dégénérescence va vraiment accompagner la mentalité politique de l'époque. Un phénomène aussi très direct, immédiat finalement, de cette idée finalement que l'accusation d'alcoolisme est trottée dans les têtes, hein, c'est Le Figaro, qui à l'époque était plutôt à droite, je crois, qui écrit deux jours après la semaine sanglante, la fin de la semaine sanglante, cet entrefilet finalement, qui va avoir des conséquences. Ce que nous demandons avant tout au nom de la dignité de ce suffrage universel, c'est que des lois nouvelles condamnant l'ivrognerie soient mises à l'étude le plus tôt possible. Une peine encourue par tout individu pour état d'ivresse doit entraîner pour lui une perte plus ou moins limitée de ses droits d'électeur. Le vote d'un ivrogne doit être assimilé à celui d'un fou et est par conséquent annulable. Si cette loi que nous demandons eût existé il y a quelques mois, nous n'eussions pas subi la honte de voir siéger à la Chambre une collection d'hommes qui tenaient leur mandat de tous les pochards de la capitale et qui nous ont conduits tout droit à la commune. Donc, suppression de l'ivresse par le code pénal, dus, messieurs les buveurs de chopes, de petits bleus et d'absinthe, ne plus nous apporter leur vote et leur hoquet aux boîtes de scrutin. Et donc, c'est ce qui est déjà dans les... ce qui est déjà en route, c'est la loi de 1873, hein, qui a été vraiment élaborée par l'Académie de médecine et puis par les médecins, des députés médecins, qui va, pour la première fois en France, pénaliser l'ivresse sur la voie publique. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de loi où on pénalisait, on criminalisait sur des actes, mais pas sur un état ou un comportement, etc. Alors évidemment, il n'y a pas d'alcotest à l'époque, donc c'est un peu... On crée une mission de police. Et cette mission de police, évidemment, elle ne va pas surveiller les grands restaurants, elle va surveiller les cabarets populaires, les endroits où le peuple se réunit, les assommoirs, comme on dit, et donc va au juger, voir qui est sous, qui ne l'est pas, etc., ceci entraînant, cela. Bref, voilà. Et donc il y a réellement une mission de police qui est créée à ce moment-là. Les choses n'ont pas tellement changé. Hein, je pense que dans la chasse des chiteux, comme disent... les bacs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on crée un ciblage et puis finalement ce ciblage entraîne un dispositif de répression. Et donc il y a dans les années qui suivent la commune une inflation des arrestations et du délit. On crée un délit, donc on crée des délinquants. Un autre médecin théoricien de cette théorie de la dégénérescence, c'est le docteur Valentin Magnan, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à l'époque et qui crée les premiers secteurs hospitaliers psychiatriques pour les buveurs, pour les pathologies mentales, etc. Alors pourquoi il est très important aussi, c'est quelqu'un qui écrit des livres qui ont énormément de retentissement. Hein, juste après la commune, il y a énormément de livres sur l'alcoolisme qui sortent, hein, autant que de livres condamnant la commune, évidemment. Dans la décennie qui suit la commune, les communards n'ont plus voix au chapitre, ils peuvent publier en Suisse éventuellement ou en Angleterre, mais en France évidemment la parole est muselée. Mais par contre il y a énormément soit des livres à charge, soit des livres sur l'alcoolisme, ça devient un sujet à la mode, en vogue, etc. et un succès de librairie. Donc Valentin Magnan est intéressant parce qu'il a influencé la lecture de Zola par exemple dans l'Assommoir. Là on est en 1876, donc pas très longtemps après la Commune, et Zola écrit l'Assommoir avec en tête aussi tout cet imaginaire de lutte contre l'alcoolisation des classes laborieuses. Donc là on voit Étienne Coupeau, je ne sais pas si vous l'avez en tête, l'Assommoir, qui est par ailleurs un roman assez remarquable, hein, qui, si on le resitue finalement, c'est moins une condamnation de l'alcoolisme qu'une dénonciation de l'exploitation des femmes. Hein. C'est Gervaise qui est obligée de faire tout le boulot pour deux hommes qui elle entretient et devient folle, quoi, la pauvre. Donc, mais il y a aussi l'accusation que la classe ouvrière, finalement, si elle s'adonne à la boisson, c'est qu'elle met en péril les ménages ouvriers, elle met en péril, alors que les ouvriers sont quand même souvent des braves hommes au départ, mais voilà, Coupeau, il a un accident, il se met à boire et il devient un boulet pour la société. Donc il y a cette image-là. Alors là encore, on parle de quelque chose qui a énormément de succès, de retentissement à l'époque et jusqu'à maintenant. C'est un ouvrage qui est un best-seller, hein, qui sont des centaines de milliers d'exemplaires, qui est adapté en pièce de théâtre. et qui va donner lieu à un des premiers longs métrages finalement en 1907, adaptation d'une pièce de théâtre. Donc premier long métrage au monde, hein, mais de la société, produit par la société Pathé. Hein. Et voilà, donc cette image elle est tirée de ce long métrage. Alors il y a des gens qui s'offusquent un peu de la vision de Zola en disant Vallès notamment dit Monsieur Zola a calomnié le vrai peuple. L'ouvrier ne va pas s'abattre et s'assoupir chez le père Lacombe. Il y passe par hasard, on n'y laisse que les irréguliers de métier. Les copeaux sont des exceptions et le délirium très mince vient bien après la misère sur les chats des mots qui déforment et tuent nos manières de vie. Nos manières de vie. Donc voilà, il y a quand même des réticences à accepter cette vision du naturalisme social de Zola, mais on va voir qu'elle va travailler les imaginaires encore longtemps. Donc là, ça c'est une image de coupeau dans une cellule capitonnée de l'hôpital Sainte-Anne, donc directement issu de l'histoire de Magnan, quoi, finalement, de l'influence du docteur Magnan. Là, illustration pour les condamnations de sur l'hiverse publique, on voit qu'il y a aussi une cartographie qui se joue, hein, les zones industrielles sont évidemment plus peuplées, plus sujette à des rassemblements d'hommes, de bistrots, de circulation des marchandises aussi, donc de circulation de l'alcool. Donc il y a un peu une statistique un peu en creuse, il y a un débit pour 132 habitants, donc il y a un condamné pour 1500 habitants, on boit moins, ouais, bah, c'est la campagne, il y a moins de monde. Et en Seine-Inférieure, Seine-Maritime, il y a un débit pour 88 habitants et un condamné pour 138 habitants. Donc on voit là l'accusation, la criminologie s'empare de la question de l'alcoolique pour dire voilà le fait est qu'on crée une classe encore plus dangereuse et criminelle à travers l'alcool. La preuve, c'est qu'on en arrête plein dans les le monde. Alors, il y a évidemment statistiquement. Des faits irrépressibles, c'est-à-dire que la consommation d'alcool avec la société industrielle augmente en France d'une façon vertigineuse. Et donc d'alcool, et de plus en plus des alcools qui ne sont pas des alcools fermentés naturels, comme on peut dire, comme le vin, le cidre, la bière, mais les eaux de vie, les alcools distillés, donc des alcools qui tapent beaucoup plus haut, qui sont mal rectifiés souvent, qui sont parfois falsifiés, et les absinthes aussi, qui contiennent parfois des toxiques, etc. Surtout les alcools ordinaires, ceux qui sont procurés aux populations, voilà, au bas peuple, comme on dit. Mais on voit que finalement, ce graphique montre que la courbe de 1830 à 1890 de consommation, donc la mesure c'est d'alcool pur par habitant, par an, elle passe de 1,12 à 4,7 litres. Voilà. Donc c'est la panique, elle observe aussi un phénomène qui est tangent. D'autant plus que l'alcool, la consommation d'alcool est favorisée par l'apparition de la publicité et des premières publicités, des très belles affiches, donc avec toutes les dimensions de racolage déjà dont va user la publicité, c'est-à-dire une érotisation de la fée verte. Alors là, j'ai mis ça parce que c'est ça, l'histoire d'une absinthe qui s'appelle Blanquille, ouais. Ça rentrait en résonance, mais évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Auguste Auguste. Donc là, c'est juste pour montrer que finalement, oui, la société est prise, sans doute, par des vogues d'apéritisme, comme on dit à l'époque, par la consommation d'absinthe, etc. Donc il y a réellement une alcoolisation notable de la société française, mais qui traverse en réalité toutes les classes. Alors, les discours prophylaxiques vont opposer au départ les sociétés de tempérance qui aussi la première société française de tempérance, elle est créée directement dans le salon du docteur d'Adolphe Fétière. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Non, mais voilà. C'est pour dire que c'est vraiment l'élite versaillaise qui met en place les premières sociétés de tempérance, d'abord des sociétés très élitistes, très élitaires, qui ne s'ouvrent pas au peuple, qui veulent juste moraliser par le bon, etc. Mais il ménage un peu aussi les habitudes de consommation en opposant justement les boissons naturelles, les boissons juste fermentées, et les alcools industriels mauvais, ceux notamment pommes de terre, grains, etc., qui ont des qui ont un impact beaucoup plus fort. Oui, c'est bon. On est sauvé. Alors voilà un personnage qui est tout à fait emblématique du passage en fait d'un anti-alcoolisme d'une des sociétés tempérance élitiste à un anti-alcoolisme populaire démocratique. C'est l'élève de Magnan et de Laborde qu'on a vu précédemment. Lui, il est un peu plus jeune, il est né en 1860. C'est le docteur Legrain, Paul-Maurice Legrain. C'est quelqu'un qui va énormément contribuer aux théories psychiatriques déjà un peu datées, mais finalement à les répandre aussi dans la société. Alors, voilà, moi ce personnage-là, il m'a fasciné parce qu'il est... voilà, il a une mission, lui aussi, une mission civilisatrice, mais c'est un humaniste, c'est pas un réactionnaire. C'est quelqu'un qui est libre penseur, athée, qui est féministe pour son époque, finalement. Il a comme en internat à l'asile à Villers-Évrard, il a comme interne Madeleine Pelletier, par exemple, qui écrit, qui veut même collaborer avec Legrain pour alerter sur l'alcoolisme dans la classe ouvrière, donc avec un point de vue, en introduisant un point de vue, on va dire, social là-dessus. Mais simplement, c'est aussi un théoricien de la dégénérescence. C'est aussi quelqu'un qui dit que les nations qui boivent, ce sont des races qui périssent. Donc, il le dit comme ça, finalement. Et donc, il veut mettre en alerte, etc. Et c'est aussi un intégriste. C'est-à-dire que, comparé aux ligues de tempérance qui disent, bon, on peut ménager, on peut être plus modéré, finalement... la modération, c'est finalement déjà un pas en avant, etc. Lui, il est pour l'interdiction, finalement. Il est pour la prohibition. Il sera d'ailleurs assez fasciné par la prohibition américaine. Donc ce type-là a aussi popularisé ça. Alors il est marrant, parce qu'il a à la fois créé un... C'est lui qui est à l'initiative, en fait, des fusions de toutes les ligues de tempérance pour créer la Ligue nationale anti-alcoolique, qui va finalement être très décentralisée, qui va faire... qui va créer des sections dans plusieurs départements, donc il y a un effet finalement d'organisationnel qui est très efficace finalement, mais il s'y retire parce qu'il dit vous êtes trop modéré, le modérantisme c'est comme le parlementarisme, c'est ça noie le poisson, etc., et il faut être abstinent. Donc lui il se rapproche d'un autre ordre protestant maçonnique qui est l'ordre des bons templiers, hein, qui a une réunification internationale, et qui prône avec sur le modèle plutôt puritain anglo-saxon finalement, qui prône vraiment l'abstinence, et il y a déjà des États aux États-Unis, comme l'État du Maine, etc. Il y a plusieurs États secs qui commencent à essaimer l'idée qu'il faut vraiment interdire l'alcool, et notamment l'alcool que boivent les travailleurs irlandais, la bière des travailleurs irlandais, l'alcool des travailleurs mexicains, l'alcool que boivent les ouvriers noirs, etc. Donc c'est la mentalité puritaine, dont le racisme est évidemment pas simplement qu'effleurant, affleurant. Et donc voilà, lui, bon, il n'a pas un discours tel, parce que la réalité sociologique n'est pas la même, mais il a ce discours de mystique, hein, finalement, même s'il est athée, etc. Et donc, on va retrouver le docteur Legrain dans la propagande... dans les journaux anarchistes, dans les journaux néo-malthusiens notamment, hein, par le biais de Madeleine Pelletier. Hein, et il va se rapprocher notamment de André de Le Rouleau, qui va être son ami, hein, jusqu'à sa disparition en 1939. Mais bon, c'est tout un autre chapitre. Tout ça pour dire que voilà, il y a cette influence est majeure. Alors là, on voit par exemple, c'est lui qui a inspiré ce genre de tableau qui à profusion où on oppose le milieu paysan qui se nourrit encore à la source, etc., au milieu urbain, le bar ouvrier, le café bourgeois, avec la bonne eau et la seule boisson indisponible, la version à destination de la classe ouvrière, c'est-à-dire l'esclave volontaire. Là, on dit... texte noir sur blanc, l'alcool est le plus grand ennemi de la classe ouvrière, c'est-à-dire fi de l'exploitation économique, du rapport de domination patronale, etc. C'est l'alcool, en fait, la cause première du malheur ouvrier. Donc ça, c'est un discours qui va essaimer, qui va pénétrer finalement les cercles anarchistes aussi, Alors, je vais faire des nuances quand même, mais c'est pas un hasard si, par exemple, un des illustrateurs de cette affiche, c'est Alphonse Villette, qui est un illustrateur aussi de l'assiette au beurre, donc de cette presse anticléricale, antimilitariste, anarchisante, on va dire, et qui est aussi un antisémite, il faut quand même le souligner. Mais bon, voilà. Donc il y a un sujet à la mode, finalement, qui va l'hygiénisme anti-alcoolique se démocratise et se socialise aussi, d'une certaine manière. Alors, l'idée, c'est de contrecarrer l'influence du cabaret. Il faut dire qu'il y a une libéralisation des cabarets juste après la décennie 1880. Il n'y a plus besoin de passer par la préfecture. Tout le monde peut ouvrir un débit de boisson. Donc, il y a aussi une inflation, finalement, des lieux de boissons. Donc, pour contrer ça, il faut ouvrir des restaurants anti-alcooliques, avec quand même de la bière, de la limonade et du vin. Mais voilà. Et c'est aussi l'idée. C'est aussi l'idée qu'on retrouve chez... dans l'idée de bourse de travail, c'est de créer des lieux d'entre-soi ouvriers qui ne soient pas contaminés finalement par la tentation de s'alcooliser outre mesure. La presse anarchiste donc va reprendre des thématiques en les associant au fait que la misère du foyer ouvrier vient aussi de la procréation non voulue. Donc prôner une procréation consciente par le biais des réseaux néo-malthusiens. Donc là, c'est un autre illustrateur, Delannoy, de grand talent, qui montre cette scène assez effrayante, d'un mari qui va forcer sa femme et les enfants complètement paniqués à cette vue. Donc ça accompagne aussi l'idée d'une prise en main, d'une reprise en main de la classe ouvrière, de ses vices, quoi, ou de ses... Et ces tentations pour finalement aboutir aussi à un mieux-être. Alors les caricatures sont très féroces. Là, c'est un autre numéro de l'assiette au beurre, enfant d'ivrogne. Et Julot demande donc à ta frangine de nous refiler un peu d'alcool. Elle en a par-dessus la tête et nous sommes à sec. Donc moi, ça mêle aussi l'imaginaire du fait que à l'époque, l'avortement est un crime. Et les moyens et la propagande contraceptive aussi est criminalisée. Donc il y a toutes ces dimensions. Il y a le fœtus, les enfants d'alcooliques. Il y a cette idée qu'aussi qu'on est soi-même un alcoolique si on est un enfant d'alcoolique. Donc ça, voilà, on voit que cet imaginaire, ça baigne dans le formol. Alors il y a aussi Josso, qui est un grand illustrateur anarchiste qui dessine dans l'assiette au beurre, qui en donne un peu pour tout le monde. Il y a un numéro spécial de l'assiette au beurre qui est magnifique, on peut le trouver sur internet, qui s'appelle Les Poivreaux. C'est d'ailleurs Verlaine qui fait la couverture, on voit Verlaine taquiner l'absinthe, donc qui symbolise finalement le poivreau, parce que à la fin de sa vie, il était assez réputé pour être imbibé en permanence. Mais il distribue un peu à tout le monde, et là, bon, j'ai pas hésité à reproduire cette image du médecin, finalement, qui lui aussi est sans doute un gros buveur par moment. Donc aussi avec cette image, bon, il y a une opération qui s'est pas très bien passée, visiblement, et avec cette image des fœtus, etc., donc cet univers macabre, etc., Et bon, la légende, c'est qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Et là, bon, c'est le registre encore des... Alors ça, c'est assez marrant, parce qu'on se souvient finalement de l'article du Figaro qui veut interdire le droit de vote aux ivrognes, mais ça, on va retrouver... évidemment, c'est pas la même résonance, c'est pas le même propos, mais on va retrouver dans la presse anarchiste individualiste, en 1914, l'anarchie, journal fondé par Albert Libertad, donc qui est quand même un des journaux les plus réfractaires, quoi, finalement, de l'ordre bourgeois moral, où cette idée, en fait, qu'on va trouver beaucoup dans la littérature anarchiste de l'époque, qu'il y a deux fléaux, en fait, pour la classe ouvrière, c'est l'électoralisme et l'alcoolisme. Et ils vont de pair, parce que finalement, les politiciens bourgeois se servent aussi de l'alcool pour entraîner, finalement, les ouvriers à voter pour eux, etc. Le 14 juillet, c'est une grande messe des bistrotiers, etc. Donc il y a toute cette représentation, en fait, que vont utiliser les anarchistes. Et alors celle-là, elle est gratinée quand même. La voix d'un ivrogne vaut celle d'un savant. Quelle absurdité, les anarchistes ne veulent obéir qu'à leur raison. Donc on a aussi cette tendance de ce qu'on a appelé les anarchistes scientifiques à l'époque, qui sont très scientistes en réalité, qui se basent vraiment sur les... avec un peu de retard finalement, parce qu'ils se basent sur les travaux de gens comme Félix Le Dantec, sur les travaux d'Edouard Toulouse, évidemment de Paul-Maurice Legrain, pour dire et pour prendre à cœur aussi cette question de la dégénérescence en disant ouais, alors là il s'agit de toute l'humanité, etc. Donc il faut vrai aussi contre la dégénérescence qui touche, et y compris qui touche les milieux anarchistes. Donc ils vont. Ce sont des milieux là qui sont un peu coupés de l'anarchisme social, hein, c'est qui ont décidé qu'il fallait reprendre surtout un mode de vie exemplaire, ou en tout cas une discipline, une autonomisation de l'individu par des groupes affinitaires, etc., mais qui appliquent aussi des dimensions hygiénistes assez strictes. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de café, pas de thé, pas de viande, des vêtements souples pour pas que le corps soit enserré, des vêtements larges, etc. Donc il y a toute une... Il dresse tout un idéal type, en fait, de comportement de l'anarchiste Belle Époque, finalement, qui repose en partie hein, sur ces discours-là, en fait, à mon avis. Et c'est pas un hasard si là, on oppose l'ivrogne au savant et on valorise la figure du savant contre celle de l'ivrogne, et la raison comme la seule dimension, finalement, d'autorité, quoi, si j'ose dire. Donc voilà, ça c'est assez... Ça c'est un autre illustrateur anarchiste. Où mène l'alcoolisme? Prison, hôpital, asile, etc. On voit que l'alcoolisme devient l'idée, le fléau prédominant. Pourquoi pas parler de la misère dans ces cas-là? Mais il y a aussi cette idée, finalement, que l'alcoolisme, c'est non seulement un facteur de résignation, c'est-à-dire que c'était marrant parce que la bourgeoisie avait fait de l'alcoolisme un facteur de subversion, par moment, hein. Et là, ces courants-là font de l'alcoolisme un facteur de résignation. C'est-à-dire qu'ils empêchent l'ouvrier de s'organiser, de se syndiquer, de se conscientiser, comme on pourrait dire, ou pas. Et en plus, l'alcoolisme crée... développe les fléaux qu'on veut combattre. C'est-à-dire qu'on voit... Alors, je vais vous citer, parce que c'est... Qu'on accuse l'alcoolisme, finalement, d'être responsable de la répression. Dans la société. S'il n'y avait pas d'alcoolique, il n'y aurait pas de juge, il n'y aurait pas de policier, en gros. Et ça, c'est... par exemple, c'est pas un individualiste qui le dit, c'est... Il faut que je retrouve cette citation. C'est Ernest Giraud, donc c'est un peu un électron libre dans le milieu anarchiste, mais il a accompagné Louise Michel quand même dans ses dernières tournées, et il écrit une petite brochure, un grand fléau sur l'alcoolisme, etc., inspiré aussi par Le Grain. Tout le monde cite Le Grain, hein. Et Le Grain, on va le retrouver dans l'encyclopédie anarchiste dans 14 articles. Donc il a réellement une influence. C'est pas une vue de l'esprit. Et donc, Hermès Giraud dit, voilà, donc l'alcool abrutit, donc l'alcool est un facteur de réaction, parce que l'ivrogne appelle le cerveau, demeure un prétexte à code, à répression, et nous impose le juge, le gardien de prison, le morticole, le mauvais médecin, et le fonctionnaire, tous parasites, plus conservateurs que le conservatisme lui-même. L'alcool est un facteur de réaction parce que pour boire encore et pour boire toujours, les hommes se font valets, délateurs, chiens de garde et mercenaires. L'alcool est un facteur de réaction parce qu'il affaiblit, parce qu'il rend peureux, craintif, lâche et veule. Parce que l'ivresse, on casse tout, on brise les becs à la glace, on se tamponne avec la maréchaussée et le lendemain, on tremble devant l'exploiteur et les surveillants. L'alcool est un facteur de réaction parce que l'ivrogne engendre la chair à patron, la chair à canon, la chair à trottoir. Et après, il fait une sociologie, il dit, bon, c'est pas un hasard si dans les métiers on boit plus, les cochers, les garçons de café, les garçons de boucher, c'est là où on a toute la racaille nationaliste, proxénète et compagnie, etc. Donc il y a vraiment une instrumentalisation, on va dire, du discours sur l'alcool, une instrumentalisation politique du discours sur l'alcool, qu'on va retrouver un peu partout. Hein. C'est-à-dire que chez les monarchistes, ils vont dire le vin français c'est bien, mais l'absinthe, il y a des jus derrière. Quoi. Voilà, donc il y a vraiment des instrumentalisations à plusieurs niveaux. Là, c'est encore un illustrateur anarchiste qui reprend cette idée finalement que la résignation, elle est à la fois dans la bigoterie de la femme qui refuse les moyens contraceptifs et qui va à la messe. Donc c'est encore en train de boire sa livrogne, je t'empêche pas d'aller à la messe, moi, c'est coupé en bas. Les résignés, donc là c'est vraiment deux images de la résignation. Donc on voit le gars avec son enceinte, son gamin et sa compagne sans doute enceinte, etc. Instrumentalisation politique aussi, ça j'ai pas résisté, c'est dans l'assiette au beurre. Finalement là le stéréotype du breton qui boit, on l'associe avec le curé et le au bureau, quoi. Et donc maintenant, monsieur le comte, les républicains peuvent venir. Donc avec la réaction, l'obscurantisme, etc. Et donc ces braves paysans des Côtes d'Armor qui se laissent avoir en fait par le discours et par la corruption des réactionnaires. Et donc là aussi c'est une illustration de Paul Poncet, qui est un collaborateur de l'Assiette au beurre et qui va aussi illustrer cette affiche de la CGT. Donc la nuance que je voulais mettre, c'est que dans l'anarchisme social ou dans le mouvement ouvrier, syndicaliste, révolutionnaire et autres, il n'y a pas ce discours très moralisateur sur l'alcool. Ils pensent que évidemment le militant ouvrier doit montrer l'exemple et pas être un pochetron velléitaire, mais en tout cas ils n'ont pas vocation à remplacer les ligues de morale et les ligues de tempérance. Donc ils disent, oui, l'alcoolisme, c'est une conséquence de l'exploitation, c'est l'ouvrier a besoin d'un coup de fouet, l'ouvrier, il a besoin d'un réconfort aussi, il est pris en étau, donc c'est bien important qu'il n'est pas responsable, finalement, de sa tentation à boire. Et puis, mais on n'a plus le discours du droit de boire, finalement, parce que la Révolution française avait fait ça. Le droit de boire devenait un droit citoyen, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que l'élite qui pouvait boire, il y avait le tiers d'État. Mais ce discours sur l'alcoolisme, sur les effets de l'alcoolisme, il vient en second plan des discours mobilisateurs de la classe ouvrière de l'époque, c'est-à-dire réduction du temps de travail, augmentation des salaires, etc. Donc la lutte pour la conquête sur le temps d'exploitation. Voilà, donc avec les réductions des temps les heures de travail, les longues heures, poussent l'ouvrier à la facilité, et alors que les journées courtes donnent plus de temps à l'ouvrier pour s'occuper de son foyer, pour devenir épargnant, etc. Et tout ce discours hygiéniste, finalement, il va accompagner aussi un peu les discours de philanthropiques, hein, pour créer des espaces, on parlait des espaces ouvriers, les jardins ouvriers, la gymnastique, les loisirs, l'accès aux loisirs, etc. Ça accompagne aussi une amélioration notable, finalement, des conditions d'existence. Quelle année, 1906. Ouais. Alors, il va apparaître en marge, pas directement dans les courants anarchistes, mais issu des milieux syndicalistes révolutionnaires et anarchistes, un courant proprement ouvrier et anti-alcoolique, qui est mené par un gars qui s'appelle Gustave Covin, qui est un Marseillais, qui était garçon coiffeur à Marseille, et qui va prendre la cause anti-alcoolique très, très à cœur. Alors on voit là il y a un article de Legrain d'ailleurs, l'alcool électoral, donc les élections et la caricature, donc il mêle encore une fois la démagogie politicienne républicaine et les tentations alcooliques. Et il va se servir, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est anecdotique mais intéressant quand même, c'est qu'il va se servir du cinéma militant, ça va être un des premiers à se servir du cinéma militant, donc des projections de films. Et les films qu'il projette, en même temps que ces conférences anti-alcooliques et néo-malthusiennes, donc dans les réseaux, dans les bourses de travail, etc., il va faire beaucoup de conférences, notamment avec le docteur Legrain. Et qu'est-ce qu'il projette? Il projette l'Assommoir, des films pâtés, etc., et plusieurs films comme ça de sensibilisation, finalement, voilà. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que lui, Gustave Covin, va devenir un des porte-parole de la Ligue nationale anti-alcoolique, qui est quand même assez conservatrice politiquement, au moment... juste à la veille de la guerre de 14, donc il y a une espèce d'union sacrée aussi, transclassiste, interclassiste finalement, de cette lutte anti-alcoolique qui ressemble curieusement à l'union sacrée qu'on va voir apparaître au moment de la guerre de 14. Donc ça, je termine mon panorama sur la guerre de 14, où c'est un peu petit. Non, ça marche pas. Ou, il faut éterser vos yeux, ou finalement, tout le discours de l'anti-alcoolique va être renversé par un autre discours qui est celui de l'alcool patriotique, en fait. Donc, on voit le même Alphonse Villette qui avait fait l'affiche de la Ligue nationale anti-alcoolique, qui fait une affiche pour les caves du Languedoc, Journée de l'Hérault, etc. Où il voit on voit une allégorie de la vigne, aussi érotisée, tout ça, machin, qui fouette un teuton, et derrière, le poilu, qui n'a même plus grand-chose à faire, il a juste à lever son coude. Donc il y a une apologie de l'alcoolisme du poilu, quoi. Là, il y a marqué Bacchus, le dieu des poilus, c'est une carte postale de l'époque. Les lobbies des alcooliers vont en profiter, la goutte picarde, des canons, des munitions, un litre de pinard, et une goutte picarde, voilà. Avec ça, on les aura. Avec ça, on les aura, voilà. Donc, l'alcool devient une munition, au même titre que les munitions, et c'est Pétain qui le dit lui-même, pour la victoire de la France. Donc il y a un retournement, finalement, quand la France perd une guerre, l'alcool est responsable de. Ça avait été le cas aussi en 1939. Hein. L'alcool est en partie responsable, la dégénérescence est responsable. Et bon, quand le pays gagne la guerre, au prix de millions de morts, comme on sait, l'alcool est patriotique et finalement la fierté de la nation, etc. Et même des gens comme Clémenceau, qui a participé à l'interdiction de l'absinthe, il va, après la guerre, dire le vin, quand même, il faut le laisser tranquille, le vin c'est quand même le totem français, etc. Donc, et ça indigne, par exemple, le vin. Mais bon, voilà, ça c'est un peu la boucle en fait de montrer. Alors, pour terminer avec un anarchiste aussi qui a été un docteur qui écrit dans l'encyclopédie anarchiste qui s'appelle le docteur Yozou, qui cite le vin. Il parle de la guerre, il dit que l'alcool a gagné la guerre. Donc par les larges distributions de vin et d'eau de vie aux martyrs des tranchées de guerre, la déchéance s'accrue dans une proportion formidable. Et pèse à l'heure actuelle sur les enfants conçus dans cette période de folie, de collectif folie toxique. Les maîtres des écoles primaires s'accordent unanimement à reconnaître un abaissement considérable du niveau intellectuel de leurs élèves, dont les facultés de compréhension et d'assimilation sont bien moindres qu'avant-guerre. Donc encore une fois, ce péril des dégénérations qui touche la nation. J'espère que il y a des questions. Non, on va attendre un petit peu encore. Posez vos questions. En Italie, il y avait. T'as encore de l'eau ou t'en as plus ? Non, je dis que j'ai bombardé. Ah ouais. Non, en Italie, il y avait un personnage qui s'appelle Domenico Pastorello, qui était un individualiste. Et il avait créé une ligue anti-alcoolique. Alors là, c'est entre les deux guerres. Ouais. Et bon, combattu par Mussolini, il était obligé de partir en exil. Et il y a des photos, tu vois, il avait des locaux et tout ça, et c'était important que l'anarchisme. Ah, ben là, c'est espagnol. Ouais, j'avais oublié sûr. Ouais, pas mal aussi. Oui, pour dire que voilà, le c'est international la lutte contre l'alcool. Et donc ça va circuler, et dans une situation aussi de guerre révolutionnaire, de révolution comme la révolution espagnole. La propagande hygiéniste de la CNT va aussi porter sur cette dimension-là de révolution. Voilà, aussi parce qu'il y a une nécessité aussi de discipliner, parce qu'on est en guerre, et qu'il ne faut pas que les esprits... Mais il y a aussi on retrouve la désespération, il y a le coup, là, parce que la folie. Ça t'amène à la folie. Ça t'amène à la folie, et les vices, c'est les cartes, Et une autre image que j'ai, c'est carrément El Borracho, c'est l'enemigo de la classe Borracho, voilà. Bref. Donc il y a vraiment une stigmatisation aussi d'un fléau qu'on retrouve finalement, oui, aussi. Voilà, je crois que c'est la dernière. Voilà. Celle-là, c'est quoi ? Celle-là, c'est une. C'est une image qui m'a un petit peu. Voilà, pour terminer. avec un verre. Très sexiste. Non, c'est une. une comédienne britannique très élégante. Très... Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, quelque chose que je ne sais pas du tout, par rapport à la Révolution, tu dis, ils ont fait un droit de voix. Ouais, ça veut dire quoi ça, alors, notamment par rapport aux octrois, c'est-à-dire qu'il y avait les systèmes douaniers pour les villes, finalement, de taxes. Et une des revendications des populations des sans-culottes, c'est de faire sauter les octrois pour pouvoir faire accéder à parce que les prix étaient trop. Les prix du vin, hein, c'était que du vin à l'époque, principalement, en tout cas, et de la bière étaient trop élevés. Donc ça a été une revendication. Et après, alors bon, la Révolution française, c'est un peu plus. Il y a beaucoup d'événements en fait. Mais il y a aussi des historiens qui ont un peu analysé ça sur les excès, notamment. Mais sur la fête révolutionnaire en elle-même, elle a été tout au long accompagnée d'un cérémonial qui n'a pas eu à la commune tellement de lever son verre à la nation, à la liberté, à la démocratie, à la République plutôt. Et oui, et le droit de boire, alors comment le dire, comment te dire, mais oui, ça apparaît réellement maintenant, à ce moment-là, comme une revendication. Comme une revendication. Parce que finalement, les usages de l'Ancien Régime, il y a toujours une image un peu rabelaisienne qu'on a, des campagnes, machin. Mais en fait, c'était très, très limité à des moments, quoi. Des mariages, des pardons, des cérémonies religieuses, il n'y avait pas tant de. Enfin, il n'y a pas un paysan dans sa vie, il n'a pas tellement de temps de boire, quoi. Enfin, dans l'Ancien Régime, encore moins. Quoi. Donc, c'était des occasions. L'abolition des droits de chasse, des droits de boire. C'est ça, oui, exactement. Mmh. Ouais. C'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, le port d'armes. C'est un droit. Maintenant, c'est hors de propos, hors d'âge. Ça venait du fait que les hommes avaient besoin de porter l'épée. Pas les ouvriers, enfin, pas les paysans, etc. Mais ça vient de là, ce truc-là. Égalitaire. Oui, c'est une logique égalitaire, mais contre l'Ancien Régime, comme tous les privilèges des nobles, etc. Ouais. Des questions? Sinon, oui. Donc, Mathieu a apporté les bouquins. Donc, si vous intéresse, vous allez directement avec lui. Celui dont on a parlé aujourd'hui et le précédent et un numéro de CQFD consacré à la commune. Ouais, juste un truc. Qui est à disposition du numéro de CQFD au prix libre. C'est un vieux numéro. Monsieur, c'est pas par rapport à ça, mais par rapport à l'international. Est-ce que tu as... De manière ou d'une autre, sur la première internationale. Celle de Jacques ou celle de. Il y a plusieurs tentatives en réalité. Oui. Non, mais la première qui a duré 4 ans, quoi. De 1855 à 1859, enfin. Ouais. Ben je l'évoque, mais j'en parle pas plus que ça en réalité. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est chez Arthur Lénine. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Parce que bien souvent, on a fait la première internationale, l'AIT, donc elle était précédée d'une autre, qui a été assez consistante, d'après ce qu'on peut dire dans certains documents. Hein, mais le problème, c'est qu'elle a disparu dans l'ordre. Mais là-dessus, je suis pas de. C'est pas très clair. Mais oui, c'est Lénine, il a consacré un chapitre. Ouais. Moi, j'aurais une question aussi. Est-ce que le livre il porte vraiment sur tout ce qui relève de la représentation du discours sur l'alcool, l'alcoolisme, l'ivresse en moment révolutionnaire? Ou est-ce que vous avez aussi éventuellement trouvé des documents d'archives, que ce soit des archives du pouvoir, des archives administratives, ou peut-être d'autres types de documents d'archives qui vous permettent de créer du décalage entre le registre performatif du discours et la réalité de l'alcool en moment révolutionnaire, peut-être aussi avec une dimension idéologique, quoi, de mettre de la joie et de l'ivresse dans le moment révolutionnaire, c'est aussi chouette. Oui, mais j'essaie d'un peu de, ouais. de, de, d'avoir tous les aspects en réalité. Est-ce qu'il y a eu, dans la commune, par exemple, une célébration de l'alcool, dans les textes, etc., quelque chose qui soit plus, oui, qui soit plus dans l'hédonisme ou des choses comme ça. Alors, il y a des articles dans... J'en ai pas trouvé beaucoup, à vrai dire, en fait. Il y a des articles dans Le Père Duchesne, justement, au moment de la découverte du cellier de l'Empereur, où le Père Duchesne, donc c'est Vermet, je pense, qui écrit ça, dit qu'il faut distribuer voilà, au bataillon, et que voilà, c'est à notre tour d'avoir du bon produit, etc., des bonnes bouteilles, etc. Sauf que les bouteilles n'arrivent pas. Alors, ce qui est curieux, c'est pour l'histoire, c'est les bouteilles n'arrivent pas dans les bataillons puisque c'est bloqué. Et pas toutes, pas dans tous les bataillons. Donc, le Père Duchesne met de sa poche pour livrer des paniers au bataillon à qui il a promis, etc. Enfin, voilà, j'avais trouvé une histoire un peu comme ça. Mais en réalité, voilà, comment se faisait la circulation des alcools, etc. Après, il y a aussi des moments où on trouve, il y a toutes sortes de gens dans une armée, même révolutionnaire, etc. On trouve, il y a notamment des officiers des gardes nationaux qui ne sont pas forcément des révolutionnaires et qui font la bamboche avec des prostituées. Donc ça crée une réaction du pouvoir communaliste pour dire à l'alcool, quoi. Parce qu'il y a des retours aussi de gardes nationaux qui sont sur les remparts et qui dit quand ils reviennent un peu dans le quartier, ils s'aperçoivent que les gens font la fête, ils disent bon, c'est pas normal, quoi. Ça nous démoralise, quoi. Donc il y a des va-et-vient, etc. Tout existe finalement dans ces situations-là. Après, de célébration, non, ce que je disais, c'est qu'il n'y en a pas tellement, alors qu'on peut voir sous la Révolution française justement des toasts portés à la nation, à la liberté, etc. Il n'y a pas ce cérémonial, et même dans les banquets républicains, hein, dans les années 1830-1840, il y a toujours une espèce de convivialité à voir. Et la commune, finalement, non, pas tant que ça. C'était un peu la misère, les pauvres, la commune. Ils sortaient de la guerre, Siège. Ouais, ouais. Mais même quand ils ont voulu faire des cérémonies, une grande cérémonie aux Tuileries, etc., ça ne porte pas. Même la proclamation de la commune, elle est très austère, en fait. Elle est sobre. Elle est sobre et austère. Là, on met les bataillons en ordre de bataille, mais il n'y a pas la fête partout dans la ville, quoi. Donc, il y a aussi une fausse représentation qui est liée aux représentations de la presse versaillaise, quoi, qui a circulé au-delà de la presse versaillaise en se disant la commune, c'est la fête. Alors, quand je dis ça, évidemment, je pense aux thèses situationnistes, mais qui ne sont pas fausses, mais qui, finalement, héritent aussi d'un biais, quoi, finalement. Le renversement qu'on voit l'usage de l'alcool dans la carte de la saison, est-ce qu'on le rencontre aussi chez les Versaillais? Est-ce que les Versaillais, du jeu? Toutes les classes boivent, voilà, sauf que c'est un sujet. Ça n'a pas été retourné. C'est pas le peuple qui buvait les 40 000 bouteilles, c'est pas le peuple qui les avait. Après, ça c'est intéressant, c'est que en amont, finalement, des Versaillais, c'est que. Il y a le Rougerie dit que la commune, finalement, c'est une révolution morale, etc. Et il y a aussi, dans l'esprit de beaucoup de communards, l'idée que c'est fini la fête impériale, quoi. Paris a été transformé en grand bordel, pour reprendre des expressions de mon temps à l'époque, en fête impériale, fête permanente, etc. Donc, il y a aussi un discours des classes populaires de dire bon, voilà, c'est pas. C'est l'image de la débauche, elle est aussi dans ceux d'en haut, quoi, finalement. Les salons, on ne peut pas accéder, mais finalement, on voit quand même les effets. Ouais. Quand tu as fait tes recherches, comment ils ont traité les propagandistes par le fait après la commune, il y a une terrible répression, donc il y a plus d'organisations politiques, ça redémarre ensuite par la propagande par le fait. Comment ils ont été traités dans les procès, dans les journaux, tout ça? Est-ce qu'ils étaient traités d'alcooliques, Ah oui, alors j'ai cherché un peu de voir si. Parce qu'il y a plusieurs générations d'anarchistes, quoi, entre ceux qui arrivent en 1905, ceux de l'anarchie, etc., et ceux qui sont ceux qui sont directement les enfants de la commune, ou en tout cas les petits frères de la commune, petits frères et petites sœurs. Est-ce qu'il y avait des habitudes de boire, etc.? et ou des fiches policières, etc. Et ça, j'ai pas trop creusé, mais ça m'a posé question. Il y a quelques anarchistes où j'avais la fiche anthropométrique et de Bertillon notamment, et avait marqué alcoolique. Donc on rencontrait, là encore, on rencontre toutes sortes de types dans ces milieux-là, et puis les groupes, les Batignolles, les machins, etc., se réunissaient souvent dans les cafés, dans les cabarets, etc. Cela dit, le milieu anti-autoritaire, déjà après la Commune de Paris, quand Kropotkine rencontre les gens de l'international en Suisse, il constate que c'est aussi lié à certains métiers que d'autres, quoi, finalement. C'est des sociologies, finalement. Il constate qu'ils ne boivent pas d'alcool. Et on a trop à faire pour perdre notre temps, ça, finalement. C'est une vision. Donc, Kropotkine, en vrai, il témoigne que les militants anti-autoritaires de français de l'international sont abstinents. Ouais. Donc, après, sur la propagande par le fait, comme c'est des actions isolées aussi. Et la presse, Ah oui, après, sur savoir le discours de presse, de la presse là-dessus. Il y a un bouquin qui va sortir de David Doyon et Jean-Marc Delpech sur les procès, les propagandes sur le préfet. Il y aura peut-être des éléments là-dessus chez Nada, bientôt. Ouais. Mais j'ai pas vraiment regardé tous les procès anarchistes et même où Mais en tout cas, le discours sur les anarchistes, après, il est aussi nourri par la théorie de la dégénérescence, par Lombroso, quoi. Il écrit le bouquin Les anarchistes, il parle de Louise Michel comme quelqu'un qui a sûrement des parents tarés, parce qu'il a une boîte de tête. Enfin, il y a toute cette histoire de... Et puis Lombroso, c'est atavisme à tous les étages, quoi. Donc, un génie, c'est un dégénéré, mais génial. Un criminel, c'est aussi un... Il hérite d'une tare dégénérative. Enfin, tout le monde, tout ce qui ne va pas dans la société, ou selon lui, c'est issu de la dégénérescence. Et ça va avoir beaucoup de répercussions dans les mentalités de l'époque. Même Le Grain trouve que Lombroso va trop loin. Quoi. Et après, voilà, le profil de l'anarchisme, il est creusé à ce moment-là par certains psychiatres. Il est psychiatrisé par certains agénistes comme ça à ce moment-là. Quoi. T'es intéressé aussi au courant des utopistes, les fourmiristes, tout ça, et tous les monastères, tout ça. Quel rapport ils avaient à l'alcool, à la fête. Je crois que les Icariens étaient assez stricts. Hein. Mm-hmm. Il y avait tout ça, machin, c'était pas des alcools, je crois. Chez les fourmiristes, peut-être plus. Les fourmiristes étaient plus dans la recherche de pas de plaisir pour plaisir, mais en tout cas, il y avait une dimension quand même plus hédoniste, mais il y en a qui étaient vraiment. D'ailleurs, il y en a un, j'ai vu qu'il y avait. Il faut que je me rappelle, mais il y a un Icarien qui est devenu un des premiers importateurs des Mormons, de la théorie mormone en France. Vous voyez, le Mormon, c'est. Maintenant, ça a changé sémantiquement, mais une société utopique, c'est une société horlogère, c'est une société totalitaire. Hein? Et dans et tous ces. Les phalanstériens, etc., ils ont une vision d'une société bien fonctionnelle. C'est-à-dire que chacun est à sa place, etc., et c'est une harmonie fonctionnelle. Disons qu'il y a une vision, je veux dire, de la société qui est horlogère. Quoi. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi stricts, c'est pour ça que Bakounine dénonce en tant que société totalitaire. Parce que c'est une vision sur le papier d'une société qui fonctionnerait bien. Mais bon, mais ça évacue toute la réalité historique, sociale, des individus. Quoi, c'est ce que les milieux libres essaient de recréer voilà, aussi, finalement. Les sociétés en lisière. Souvent, la communauté, etc. Communauté en lisière. C'est pour ça que ça ne durait pas longtemps, c'est que une dernière question pour revenir à l'actualité. Il y a quand même des résonances avec certains courants actuels qui sont très hygiénistes, très moralisateurs, très sur les façons de manger, de boire, de se comporter, de s'habiller. Et ça, c'est pas que dans le milieu réactionnaire qui est ça. Oui, ça c'est intéressant. Mais conciliation, des choses qui se croisent comme ça, qui s'hybrident. Bon, les naturiens, par exemple, sont très en avance sur des choses qui sont pratiquées aujourd'hui, et une critique aussi des calamités industrielles, quoi. C'est pas anodin. Mais il y a aussi, ouais, il y a aussi finalement des formes d'interaction avec des pensées qui sont aussi hantées par cette idée. Alors à l'époque, c'est pas la pollution, même s'il y a déjà des débats sur la pollution, sur le plomb, sur plein de pollution industrielle, etc. Mais il n'y a pas l'idée, il n'y a pas le sentiment d'effondrement qu'on a. Mais moi, ce qui m'avait un peu saisi, c'est que l'idée c'est l'effondrement de l'espèce, quoi, par la dégénérescence. Et ça c'est aussi quelque chose qui est encore à interroger, en fait, dans les filiations comme ça. On sait qu'il y a les courants vitalistes, par exemple, issus des naturiens, etc., qui portent tout sur les capacités, en fait, immunitaires de l'homme, etc., donc qui refusent aussi beaucoup de technologies médicales, on va dire, les vaccins, etc. Ça a essaimé un peu comme ça, sur ces branches-là. Docteur Carton, par exemple, qui est aussi quelqu'un qui est très important dans les courants hygiénistes sociaux, libertaires, qui a beaucoup d'influence, qui n'est pas un libertaire, hein, qui est plutôt un mec monarchiste, mais qui condamne le vin, qui condamne la viande, le vin, le café, comme des poisons, etc. Donc ça essaime. Après, c'est l'usage aussi qui est intéressant, c'est comment ces groupes-là, finalement, s'approprient aussi une forme d'hygiénisme pour eux, quoi. Et entre l'hygiénisme du haut et l'hygiénisme du bas, il y a des interactions qui sont pas toujours bien déménables. Mais André Bombéro, il a fait un super travail sur les courants naturistes, naturaliens, etc., où il explique tout ça. Enfin, il explique comment tout ça, la matrice, en fait, un peu de tous ces courants-là. Et après, voilà, avec le végétalisme aussi qui apparaît dans le milieu libertin, c'est ça. Mais bon, ça, moi, je ne suis pas un expert de tout ça, mais je vois à peu près. Dans d'autres pays où je suis tombé en marge sur ce sujet, deux aspects, je suis tombé là-dessus chez Pierre Amu, en Autriche, pour le mouvement ouvrier, c'était Organisation, les socialistes contre la domination, quand même un des plus importants dans les années 20, avec plusieurs milliers de membres, et ça, c'était inscrit organisationnel, ça veut dire on ne pouvait pas devenir membre de l'organisation quand on s'exprime pro-alcool ou choses comme ça. Donc, condition d'adhésion, c'était se déclarer anti-alcoolique. Et je suis tombé là-dessus aussi dans le milieu anglo-saxon, notamment aux États-Unis. Les décennies qui ont mené aux années 60, le mouvement pour le droit civique, il y avait un courant qui s'appelait l'abolitionnisme. Et je pense, si je me souviens bien, l'abolitionnisme, ça a commencé avec l'abolitionnisme de l'alcool et a fini avec l'abolitionnisme du racisme. Abolir le racisme. Donc l'un est mené à l'autre. Alors c'est ouais, les abolitionnistes, ils ont une mission civilisatrice de toute façon. Ça c'est l'aspect aussi qui est, c'est plus les rapports sociaux, c'est la mission supérieure à annoncer la bonne nouvelle au monde. Donc il y a une forme de mystique, il y a une forme de croisade, il y a quelque chose de religieux là-dedans. Donc c'est pas un hasard si on trouve ça dans les milieux puritains, quoi. Et dans l'abolitionnisme américain, par contre, le prohibitionnisme, il y a réellement cette mentalité WASP il y a à la fois les courants très démocratiques, hein, de base, des communautés Carrie Nation, hein, qui allait avec son hachette pour briser les tonneaux dans les salons. Et puis il y a ce truc de l'élite, enfin c'est les gouverneurs fédéraux qui imposent l'interdiction de l'alcool. Dans le Maine, par exemple, la première interdiction de l'alcool. Ceux qui seraient les gens qui se révoltent contre la possibilité de l'alcool, c'est les ouvriers du port de Portland qui sont irlandais et qui, bon, c'est l'affront en fait des protestants aux irlandais. Il y a tous les clivages raciaux de l'Amérique qui se retrouvent là-dedans. Et le discours prohibitionniste, il est tenu par les puritains blancs, bah, vraiment les WASP, et ça touche tous les ça correspond au moment où il faut faire des quotas d'entrée aux États-Unis, il faut limiter, où il y a un péril finalement de l'immigration de tout ce qui ne vient pas des pays nordiques. Hein. C'est vraiment dit comme ça en fait. Et donc voilà, les Italiens, les Juifs, les Mexicains, les voilà, tout ça. Donc il y a vraiment un discours là pour le coup qui est structuré par la société raciste américaine. Ça, je pense que c'est assez clair. Et ce que voit pas d'ailleurs quelqu'un comme Lebrun, il voit juste que ça va libérer, ça va désemplir les asiles. On va interdire l'alcool, donc il y aura moins de fous dans les asiles. Donc il voit que ça. Alors que les statistiques montrent que sur l'État de New York, par exemple, ça n'a pas eu un effet si flagrant. Ça. Enfin, bref. Et c'est voilà la question de la prohibition. Ouais. Alors je termine juste sur un truc qui est un peu amusant, qui revient à l'idée de la révolution, c'est que l'autre grand moment d'alcoolisation, peut-être beaucoup plus intense que la Commune de Paris, c'est la révolution d'octobre à Pétrograd. Et là, les bolcheviks se trouvent en situation de mettre fin à des pillages et des orgies de tous les soldats marins démobilisés, tous ceux qui sont pas intégrés les groupes révolutionnaires armés, le garde rouge et autres. Et là, il y a vraiment un état martial. Il y a plusieurs semaines, hein, Trotsky en parle, John Reed en parle, où c'est la panique à bord de l'état-major bolchevique, et il faut mettre le haut là. Parce que aussi, le pouvoir tsariste, au début de la guerre de 14, contrairement à la France, avait imposé une prohibition de la vodka, etc. Et la révolution avait libéré finalement l'excès et le désir d'ivresse. Et surtout sur les groupes démobilisés, en plus armés, etc., qui pouvaient se livrer à toutes sortes de pillages et de festivités diverses et variées. Et donc, pendant la guerre civile, l'ordre bolchevique interdit l'alcool. Et la solution, alors il y a des débats, là, moi je suis un peu là-dedans en ce moment, sur la prohibition, etc. La prohibition soviétique, c'est finalement, en 1925, Staline décide... qu'il faut monopoliser la vodka, faire un monopole d'État de la vodka, finalement, parce que c'est quand même des taxes qui rentrent, et puis parce que toute la vodka distillée dans les campagnes fait des dégâts, elle est mélangée avec des essences et des machins. Et je termine sur une citation de Trotsky qui dit si en 26, avant d'être complètement mis hors d'état, mis à l'écart, si nous n'éradiquons pas l'alcoolisme, nous allons avaler le socialisme et la révolution d'octobre plus sec. Mais il y a le fait que Marcel Einstein, qui fait voir Macno comme un rigolo, tricheur. C'est pas Einstein, c'est un truc de sur le manège, puis il tire sur tout le monde. C'est un truc de. Mais c'est pas. Non, c'est pas Einstein. Il y a un autre comme ça, mais qui était ça, c'est les films anti-Macno, là. Qui a... ouais, je vois cette image. Il y a des extraits dans le film de. Comment elle s'appelle Châtelet. De Hélène Châtelain. Châtelain. Ok. Merci à vous.